mardi 10 septembre. Bienvenue à l'aérospatiale, cette première émission de la saison automnale. Julie Gagné, très contente d'être avec vous après cette pause de 3 mois. Eh bien là, ça y est, hein, l'univers des arts visuels est en ébullition avec toutes les expositions qui commencent. Et pour meubler cette émission aujourd'hui, nous discuterons avec Jean-Pierre Gay qui nous parle du parcours L'oreille étendue de Catherine Béchard et Sabin Hudon. Donc, un parcours en l'honneur du 20e anniversaire d'Avatar. Paryse Martin viendra nous parler de son exposition Histoire lacrymogène qui est présentée à l'œil de poisson jusqu'au 6 octobre. Cette semaine, une exposition qui se termine, donc le 15 septembre, c'est l'exposition Pellan, le grand atelier au Musée national des beaux-arts du Québec. Et comme on n'a pas pu en parler au printemps, ben on en discute juste avant la fin avec Evelyne Baudry, qui est conservatrice de l'art contemporain au musée et qui est également commissaire de cette exposition. Bien entendu, tout au long de l'émission, on se mettra de la musique de l'art audio dans les oreilles. Et pour en parler avec nous, Simon Roy, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, ça va merveilleusement bien. Bienvenue bien content d'être de retour. J'ai trouvé la pause un peu longue. Ben oui, 3 mois quand même, hein? Mais il faut dire que l'univers des arts visuels est au ralenti durant cette pause-là, durant l'été aussi. Donc, c'est une pause qui s'avère malgré tout nécessaire. Oui, en tout cas, content d'être de retour. Ben, bien content de t'accueillir dans cette première émission. Dis-moi, Simon, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? C'est un artiste qui nous vient de la Russie. Il demeure en ce moment à Vienne, en Autriche. Ça s'écrit D-E-E-S. C'est un type qui fait des trames sonores de films, qui fait du documentaire aussi. Il fait des trames sonores pour des pièces de théâtre. Vraiment intéressant. J'adore son sens de l'humour. C'est le genre de pop expérimental d'avant-garde. Il y a un petit fond de hip-hop là-dedans. Il s'amuse avec toutes sortes d'influences vraiment différentes. En tout cas, j'ai vraiment adoré ça quand je suis tombé dessus. Son album s'intitule Beat Scene Routine, donc c'est publié sous l'étiquette Recommended Records, une vénérable étiquette qui a été fondée en 1978. Plein matériel sur Recommended Records. Donc c'est ça, je vous propose l'album de Dave qui s'intitule Beat Scene Routine cette semaine. Et voilà, Simon, nous, on t'écoute dimanche à Web Music. C'est à quelle heure? À 20h. J'ai pas changé de cadre horaire. C'est bon, d'un coup, là, j'avais pas rafraîchi mon regard sur la programmation. Donc, Web Music avec Simon Roy, samedi, dimanche, 20h. Merci. On s'en va en pause audio. On écoute tout de suite un extrait de Dave. C'est I Slipped and Then We Judge a Number 2 Party. On vient d'entendre à l'aérospatiale un extrait de l'album Beat Scene Routine. La pièce était I Slipped and Then We Judge a Number Two Party. Simon Roy disait qu'il y avait de l'humour, mais on le voit quand même assez bien dans le titre de cette pièce. Et j'accueille à l'instant Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Passez un bel été, Raymond. Ben oui, un bel été. Bien content de revenir et à l'aérospatiale et de reprendre contact également avec l'actualité en art visuel. Ben oui, ben écoute, je te lance, là. Je ne peux plus attendre. Mais tiens, on commence avec une mauvaise nouvelle. Hein? Ah, c'est super, hein? On commence comme ça, il faut. Allons-y. L'Association des galeries d'art contemporain, la GAC, on s'en rappelle, qui a assumé l'organisation du Gala des arts visuels qui visait à fédérer, à honorer l'excellence et le travail des intervenants de la scène artistique au Québec. Eh bien, ils ont décidé d'annuler, en fait, la prochaine édition du Gala des arts visuels et se retirer de la production et de la promotion de l'événement. OK, donc le gala est annulé tout simplement? À moins qu'il y ait peut-être un autre organisme qui décide de se porter volontaire pour reprendre l'événement et pour le reproduire, mais dans sa forme actuelle, c'est terminé. Essentiellement, ce qu'on explique, c'est une question de ressources, une question de temps. Donc, l'Association des galeries d'art contemporain qui travaille aussi à la production de la foire papier 17, et ils ont décidé de mettre leur attention plutôt sur la foire papier plutôt que sur le gala en disant, mais regardez, pour des raisons de financement, faut choisir, et ce qu'on choisit, c'est cet événement-là qui a peut-être beaucoup plus d'impact pour nous. C'est vraiment, vraiment dommage. Hein? Ça semblait quand même bien parti. Le milieu appréciait. Exactement. Il y avait quand même quelques critiques, évidemment, au niveau de certains choix et autres. Ça débutait. Là, mais après seulement 2 années d'existence, ça semblait avoir un bel envol. Est-ce qu'il y aura d'autres organismes qui le reprendront? Dossier à suivre dans la pile, hein? Est-ce qu'assez, assez probablement épaissi au fil de l'été? Et autre clin d'œil, tiens, du côté de Montréal, c'est sorti fin août, mais je tenais à en parler parce que je trouve que c'est très intéressant comme nouvelle. On voit d'ailleurs, en fait, quand on parle de projets liés au 1%, mais de plus en plus d'initiatives qui sont assez stimulantes. Il y en avait déjà pas mal, mais on sent une préoccupation de plus en plus accentuée là-dessus. Même on entendait dans certains débats au fil de l'été des gens dire, bah, regardez, nous, on a envie même de dépasser le 1% dans le type de projet qu'on va proposer. Et du côté de Montréal, en fait, c'est BGL, vous en avez peut-être entendu parler, donc qui ont obtenu 1,1 million de dollars pour réaliser une installation qui va s'appeler La Vélocité des lieux, une œuvre monumentale qui va dominer du haut de ses 63 pieds le carrefour aménagé à l'angle des boulevards Pie-9 et Henri Bourassa à Montréal-le-Nord. Alors, assez intéressant comme projet, évidemment, ce sera intéressant de voir la résultante, mais ce qu'on annonce avec cette initiative-là, c'est de créer une nouvelle porte d'entrée pour Montréal et quelque chose qui, dans une certaine mesure, pourrait devenir une autre des signatures visuelles de la métropole. Eh bien, félicitations BGL quand même. Hein? Oui. Sinon, on fait le saut, tiens, du côté de Joliette, parce que je suis tombé sur différents projets de réaménagement de musée. J'avais pas souligné celui-là. Il est sorti tout récemment, en fait. Ça a été annoncé mardi. Donc, on parle de 13 millions de dollars pour le musée d'art de Joliette. Donc, l'idée est évidemment de mettre en place et de bonifier les installations. On parle quand même d'à peu près 8500 œuvres d'art qui sont conservées dans la collection du musée. Et ce qu'on signale du côté de la direction et de la firme d'architectes FABG qui a été retenue pour le réaménagement, c'est qu'il y avait beaucoup de questions quant aux fluctuations des niveaux d'humidité, certaines faiblesses également dans la toiture. Donc, ce qui fait que on n'était plus en mesure d'assurer des conditions optimales pour la préservation des œuvres d'art. On devine, c'est quand même un des mandats du musée. Alors, c'est majeur. Majeur. Alors, c'est sûrement 13 millions de dollars qui seront bien investis. On tombe dans une nouvelle peut-être un peu plus cocasse pour presque terminer. Presque terminer, j'aime bien l'expression, vraiment. Alors, une pièce qui s'appelle Le coucher de soleil à Montmajour, datée de 1888, une œuvre de Van Gogh, dormait dans le grenier d'un collectionneur privé. On savait même pas que c'était un Van Gogh. Ça a été authentifié, ça a été estampillé. Donc, c'est sorti ça la semaine dernière. Donc, un Van Gogh qui est apparu inopinément comme ça dans le paysage de l'art international. Alors, ça représente cette toile un paysage de chênes dans les environs de la ville d'Arles, dans le sud de la France. Une découverte qui est un nouveau jalon peut-être dans l'histoire de l'art. Donc, ça ne vient pas réinventer évidemment le travail de Van Gogh. On a quand même beaucoup d'éléments autour de mais ça. Oui. Mais bon, ça vient ajouter un peu à une œuvre et un travail dans une certaine période, dans un certain lieu donné. Et pourquoi presque terminé, c'est que je tenais simplement à faire un petit clin d'œil. Il y a un concours et le lien d'ailleurs, comme pour tous les autres articles, est sur l'aérospatiale.wordpress.com. Mais c'est en fait le prix RBC des artistes émergents qui font un People's Choice, donc un choix de la population, un choix du public. Et donc, il y a 5 artistes qui sont en considération pour obtenir une bourse de 10 000 $. Donc, quand même pas rien. Et je voulais souligner qu'il y avait une artiste qu'on connaît bien ici à Québec, qui s'appelle Amélie Proulx, qui est en nomination. Alors, si jamais les gens veulent aller voir pourquoi elle s'y trouve et peut-être aller l'appuyer, qui sait, eh bien, donc, le lien est sur l'aérospatiale, sinon sur le site du Musée Gardiner, donc Musée ontarien. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La vie en BD, tu commences ta saison toi aussi vendredi à 17h30. Vendredi à 17h30 et on s'intéresse à un BDiste illustrateur jeunesse qui a décidé de se recycler et de se réinventer dans la BD adulte. Voilà. Donc, c'est à ne pas manquer. On s'en va en pause audio. On écoute Ironic Deconstruction of Cheesy and Sad Melodies. Et au retour, on discute avec Evelyne Baudry, conservatrice de l'art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Québec. C'était un court extrait de la pièce Ironic Deconstruction of Cheesy and Sad Melodies. J'adore le nom des pièces. Simon Roy, je le répète, nous avait parlé d'humour. Ben, c'est le cas avec Dave, l'artiste d'origine russe. D'ailleurs, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement des pièces, pour la revue de presse de Raymond Poirier, pour réécouter l'émission en balado-diffusion sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, tout est là. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Je disais en début d'émission que l'exposition Pellant, le grand atelier, se termine. Je crois que c'est en fin de semaine, samedi, dimanche, le 15. Et pour en discuter avec nous, la commissaire de l'exposition, qui est également conservatrice de l'art contemporain au Musée national des Beaux-Arts du Québec, Evelyne Baudry, bonjour! Bonjour, Julie! C'est long à dire! Je suis quasiment essoufflée juste à dire ça. Bon, c'est la fin de l'exposition, le Pellant, le grand atelier. Déjà la fin, c'est incroyable comment le temps passe vite. Ouais. Une exposition estivale comme ça, c'est un succès. Là. C'est vraiment un succès. À chaque fois que j'allais dans les salles, et j'y allais régulièrement là, à chaque semaine, ça ne dérougissait pas. Les gens étaient dans les salles, dans les espaces de médiation aussi, puis aussi à l'extérieur du musée avec toutes les activités qu'il y avait autour. Ça a été vraiment un succès, un franc succès, oui. Et, mon Dieu, j'ai perdu mon élan pour ma question, en fait. L'exposition sur Pellan, c'est un succès, justement. Qu'est-ce qui explique que ça soit autant un succès? Est-ce que c'est vraiment à point? C'était le temps? Parce que je pense que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'exposition majeure. Exactement. Sur lui. Après 20 ans. Eh ben, oui, je pense que c'était à point. Mais c'est aussi, je crois, le fait que c'était des œuvres inédites, une présentation inédite du fait que ça provient d'un legs, l'important legs que Madeleine Pellan, sa femme maintenant, qui est décédée aujourd'hui, nous avait légué au musée, tout le fonds d'atelier, le fonds d'archives aussi, qui nous a permis de constituer une exposition tout à fait inédite, avec des approches qu'on n'a jamais vues de Pellan. Un Pellan très féru d'humour. Il est très, très drôle. Hein? Tout à fait. C'est sûr que les gens qui ont côtoyé de près Pellan le connaissaient de cette façon-là, mais pour les historiens d'art, même qui connaissent bien son travail, c'est pas une production avec laquelle ils étaient familiers. Donc, tout le monde y a trouvé son compte. Hein? Autant des gens qui connaissaient très bien son travail que des gens qui le découvraient et qui l'ont découvert d'une manière très ludique, si je peux dire. Parce que aussi, il y a le fait que c'était des œuvres inédites qu'on présentait, mais le fait également que l'approche de la médiation de l'exposition était faite d'une manière très ludique, très participative aussi. On voulait, dès le départ, intégrer le visiteur à même l'exposition. Mais je pense d'ailleurs que vous avez pas, on s'était déjà parlé précédemment, vous avez pas du tout fonctionné comme à l'habitude. Là. Vous m'aviez dit que c'est à peu près tous les services du musée qui se sont fait une sorte de quartier général et qui ont travaillé là-dessus. Exactement. On était le comité Pellan grand atelier. En effet, habituellement, la façon traditionnelle de faire les expositions, c'est le conservateur qui fait une sélection d'œuvres. Et puis, à partir de cette sélection-là, le design est fait. Et ensuite, la médiation embarque dans le projet suivant la sélection déjà faite. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment tout à fait différent. On a fonctionné un peu à l'envers, si on peut dire. Tout le monde a été intégré dès le départ, avant même la sélection des œuvres. On avait la médiation, le design, la direction des expositions, la direction de la médiation, et même les communications ont été intégrées dès le départ. Et puis, on a eu des discussions sur c'est sûr qu'on était un peu dirigé dans la thématique de l'atelier, mais il n'y a rien qui avait été officiellement décidé dès le départ. Donc, on a regardé ensemble tout le corpus. On a réfléchi sur qu'est-ce qui pouvait être intéressant, qu'est-ce qui représentait Pellan, qu'est-ce qui aurait pu interpeller aussi le public. Et donc, toutes les activités, autant la liste des œuvres, la présentation que le design, que les activités de médiation se sont construites ensemble. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et je crois que ça teinte la particularité de cette exposition-ci. Oui, parce que c'est quand même assez différent de ce qu'on voit habituellement au musée. Vous avez parlé d'une part de médiation. Ça, c'est vraiment important. Il y a comme un centre dans la première pièce avec des lumières. On peut s'amuser. C'est un peu tous les âges. Ça, c'est... Oui, oui. En fait, aussi, tout l'art de Pellan et la thématique de l'atelier s'apprêtait bien à cette intégration-là de la création du visiteur. Parce qu'on, tu sais, on voulait mettre en contexte l'esprit de création, en fait, le lieu de création d'Alfred Pellan, mais on voulait aussi mettre en contexte les visiteurs en processus de création. Mais ouais, parler de l'atelier mental, je pense que vous en aviez parlé oui, de ça. Oui, exactement. Ben l'atelier mental, donc on rentre dans son processus créatif avec plusieurs dessins, des croquis, des esquisses qu'on met en relation avec des œuvres plus terminées, donc des grands tableaux. Et donc on est à même de voir tout le processus créatif de l'artiste. Mais les activités de médiation, j'en prends un exemple, c'est en lien avec ces grandes ces grands collages où c'est des motifs de femmes qu'il a collés sur des cartons très colorés. On a mis en relation avec ces œuvres-là, tout près de ces œuvres-là, une activité où les gens ont devant eux des écrans lumineux qui peuvent changer la couleur des écrans, et avec des petits gabarits en plexi transparent et de couleur, et donc ils vont venir créer leur propre femme boule, si je peux dire, leur propre composition. Et donc ils sont un peu dans l'exercice de création de Pellant, et donc il y a vraiment un processus de création qui se fait, mais toujours en lien avec celui de Pellant. Donc c'est pas des activités gratuites où bon on fait du bricolage, c'est une manière aussi de se projeter. Vous avez raison, c'est un très bon terme. Donc chaque activité a été préparée dans cet esprit là D'ailleurs, vous parlez bon de processus de création. Bon, c'est un important legs. Hein? Je me rappelle pas, il y avait combien d'œuvres dans le legs. On parle d'à peu près 1200 objets, d'œuvres visuelles. Donc, qui sont inédites. Exactement. On voit dans l'exposition aussi comme cette effervescence. Là, c'était un besoin et c'était constant parce que Pellant a dessiné ou peint sur des photographies, sur des reproductions d'œuvres, sur des caricatures. Il a fait des œuvres avec des souliers. Donc, c'était constant. Et c'est, je suis très contente que vous me disiez que cet aspect-là de constance et d'effervescence et de ce besoin-là pratiquement viscéral de créer chez Pellant a été bien transmis dans l'exposition, parce que c'était notre première volonté. Quand je suis arrivée au musée, c'est en 2010, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a reçu le legs. Et quand on a commencé l'étude du contenu de ce corpus-là, c'est vraiment l'idée de départ qu'on a eue. C'est incroyable comment Pellant était toujours en train de créer. Et donc, on a voulu représenter cet esprit-là aussi dans l'exposition. Dans l'exposition, ce qui est intéressant aussi, bon, il y avait la partie du legs du fond d'atelier, donc les œuvres, les 1200 œuvres, plus ou moins. Et il y avait toute l'autre partie du legs, le legs des archives. Oui, parce qu'on en parle souvent moins, hein, mais ça reste une importance capitale, c'est ces capital, archives-là. C'est capital, en effet, parce que ça nous renseigne sur sa vie, ça nous renseigne sur sa relation avec Madeleine Pellant, sur ça, qui était vraiment une relation amoureuse qui rendrait jaloux toute personne qui est en amour et qui voudrait avoir ce type de relation-là. C'était pratiquement viscéral comme sa création. Ils entretenaient une collaboration exceptionnelle. Madeleine a été sa muse et Madeleine a aussi participé à plusieurs réalisations de ses œuvres. Je pense au Polaroid. Ouais. Mado Sachant, qui est une série d'à peu près 58 Polaroid, où c'est Pellant qui la prend en photo en train de réaliser diverses actions de la vie quotidienne, mais d'une manière très très ludique et étrange. Et ça, bon, Pellant, il l'a réalisé dans les années 70, puis là, on est pratiquement dans l'art conceptuel, alors qu'on n'aurait jamais associé Alfred Pellant à ce type de création-là. Effectivement. Et ça, bon, c'est dans les archives qu'on est en train de découvrir ce type d'éléments-là. Toutes ses relations, sa correspondance qu'il entretenait avec des artistes comme Mimi Parent, Jean Benoît, des artistes québécois qui ont vécu à Paris et qui étaient très près du mouvement surréaliste, une correspondance avec Fernand Léger, c'est incroyable d'avoir des lettres signées de Fernand Léger adressées à Pellant. Aussi, tous les croquis qu'il a fait pour ses souliers, des photographies de souliers qui appartiennent dorénavant à la Ballast Shoes Foundation à Toronto, qu'on n'a plus accès, mais dont on a les reproductions photos de ces objets-là. C'est un réservoir incroyable de connaissances que nous a permis, en fait, de faire avec l'exposition du Grand Atelier. Mais ceci dit, il y a encore tant à découvrir au niveau archivistique de chez Pellant, parce qu'il y a des milliers et des milliers de documents qui n'ont pas encore été recensés. Donc, oui, nous avons plusieurs choses dans le Grand Atelier, mais il y a encore plusieurs. L'atelier est encore plus grand que ça. Oui, exactement. C'est en effet. Mais pour revenir à cette idée de fond d'archives, j'ai l'impression que ça a teinté un peu la couleur de l'exposition, dans la mesure où, dès le départ, quand on arrive dans l'agora, dans le hall, entre les deux salles d'exposition, on nous montre l'homme. C'est des autoportraits, c'est bon, l'appel avec le « en » comme ça, c'est un texte, je crois, de Roland Giguère sur Pellant. C'était important aussi, ça, de montrer comme l'artiste, pas l'artiste derrière, mais l'homme. Oui. qui est l'artiste, là, qui est pas tout à fait. Et puis en même temps, l'homme est difficile, l'homme artiste est difficile à dissocier de la vie, de son quotidien, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un artiste qui était toujours en train de créer. Donc l'art et la vie est tout à fait en fusion dans ce cas-ci. L'idée pour laquelle on avait vraiment mis de l'avant autant les archives que les œuvres d'art, c'était aussi de témoigner du legs, de l'important legs de Madeleine, qui conciliait ces deux dimensions-là importantes, donc la dimension archivistique, les dimensions plus traditionnelles des œuvres d'art. Mais ceci dit, dans cette présentation-là, vous avez raison, on a commencé avec la dimension de portrait-autoportrait, mais on y va avec des représentations qui sont plus ou moins traditionnelles. Quand on parle de portrait, d'autoportrait, on s'attend à voir un dessin esquissé, au fusain, il y en a une peinture en buste. Exactement. Ouais. Mais là, Pellant, lui, qui est une personne avec un sens de l'humour incroyable, a même usé d'autodérision avec sa façon de s'auto-représenter. Vous l'avez mentionné avec l'appel écrit A-N dessus. Sinon, c'est avec des polaroids où il se met en scène avec une casquette, avec des faux yeux. Ou encore, on commence l'exposition littéralement sur le parvis du musée, avec la grande table qu'on a créée, avec deux ouvertures pour des assiettes où les gens sont invités à mettre leur tête à l'intérieur des assiettes pour se prendre en photo en nature morte, qui est en fait une recréation d'une mise en scène que Alfred et Madeleine ont fait d'eux-mêmes. Il y a aussi la photomaton qui est assez emblématique, qui a été beaucoup utilisée. En effet, parce que Pellant, comme plusieurs surréalistes d'ailleurs dans les années 40-50, ont usé du photomaton pour se mettre en scène. Et ils considéraient ça un peu comme un automatisme. Donc, c'était une façon très rapide de s'auto-représenter sans réflexion, spontanée. Et donc, Pellant, on voit qu'il était très sensible à cette dimension surréaliste-là. Il le fait lui-même. Et on a découvert ça dans les archives, justement. Ça a été une belle surprise. Et puis, ça a été prétexte à une activité de médiation aussi. On a recréé un photomaton dans le musée dans lequel les gens sont invités à venir s'auto-représenter aussi de manière loufoque, tout aussi ludique que Pellant le fait. Et vraiment, c'est une activité qui est très, très, très sollicité. Et c'est des gens, autant des enfants de 3-4 ans que des personnes de 70-75 ans qui retombent en enfance dans cette boîte photo-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est extraordinaire de voir comment les gens ont embarqué dans toutes les activités puis dans la présentation de l'exposition. Évelyne Baudry, on voit que vous êtes fière de l'exposition. Oui. Il reste 5 jours pour la visiter. Faut pas manquer ça. Donc, Pellant, le grand atelier, c'est au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 15 septembre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Jean-Pierre Gay. C'est KRL. 89 ans. Le 14 septembre, les organismes du Centre culture et environnement Frédéric Pack vous ouvrent leurs portes. Assistez aux nombreuses activités, jeux, théâtre d'improvisation, ateliers musical et pluchettes de blédane gratuites et bien plus encore. De nombreux prix sont à gagner. Suivez la visite guidée un peu loufoque à travers les étages et admirez la vue depuis le toit végétal. Le 14 septembre, beau temps, mauvais temps, rendez-vous au Centre culture et environnement Frédéric Pack au 870 avenue de Salaberry. Pour plus d'informations, centreenvironnement.org. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 16 septembre, 20h au Cercle, rouge contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le Musée de la civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. Poil et Plume, une animalerie sympathique et professionnelle pour prendre soin de vos animaux grands ou petits avec de la nourriture de qualité et des accessoires originales et durables. Poil et Plume, si la santé de vos animaux vous tient à cœur et que vous les aimez comme on les aime. Poil et Plume, situé au 569 3e avenue à Limoilou et au 597 rue Richelieu. Livraison gratuite les mardis et jeudis soirs. Devenez ami de notre page Facebook et profitez de nos judicieux conseils. Poil et Plume, 88 977 2391. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? CKRL. Si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour? Alors, on est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde et avec nous, pour une fois de temps en temps, ça arrive. Hein? On est quasiment en famille. Celui qui a été à la barre de l'émission pendant 5 ans, Jean-Pierre Gay, bonjour. Oui, une belle émission qui continue encore, toujours content sur les ondes de CKRL. Je suis très content que ça continue. Je suis très content de voir que CKRL maintient ce type d'émission-là, comme il maintient aussi la croche-oreille, mais qui va faire une petite pause cet automne. Oui, c'est ça, vous revenez on va revenir janvier. En janvier. Toujours avec automne, Ariane Plante? Marianne, on a une nouvelle formule qu'on on se réserve. Donc, on réfléchit. Avec des cartes ouvertes, avec toutes sortes de choses. Ça va être intéressant comme émission. Par exemple, je vais donner carte ouverte à, exemple, Jocelyn Robert. OK. Qui va venir présenter tout ce qu'il veut pendant une heure. Ah oui? Oui. On a bien hâte. On va avoir ce genre d'émission. On a bien hâte d'entendre. En attendant, en parlant de Jocelyn Robert, ça nous amène quand même naturellement vers Avatar, qui célèbre son 20e anniversaire. Son 20e anniversaire. Puis, je vais parler de deux choses dans le cadre du 20e. D'abord, d'un projet qui s'appelle L'oreille étendue. Avatar a demandé à deux artistes chevronnés, en fait, qui datent. Qui ont commencé à leur pratique en 1999, donc ils ont presque 20 ans. Catherine Béchard et Sabin Hudon leur a fait une commande d'œuvre dans le cadre du 20e. Donc, Béchard et Hudon, pour rappeler aux auditeurs, c'est ceux qui avaient, entre autres, créé ces fameux cubes à son il y a quelques années lors du mois multi. Ces beaux cubes qu'on pouvait manipuler et qui faisaient du son en même temps. Donc, ils sont très... Le duo Béchard-Hudon, c'est un duo qui, à la fois, sont des plasticiens, donc qui font de très beaux objets, mais qui aussi travaillent le son. Le son, pour eux autres, c'est important. Donc, ils ont... Avatar leur a demandé de créer une œuvre publique. Donc, ils ont créé ce qu'ils appellent l'oreille étendue. Et c'est 20 systèmes, 20 cornets qui sont distribués un peu partout dans l'espace public, particulièrement dans le centre-ville, et qui, ils ont renversé le sens du cornet, dans le sens où d'habitude, ces cornets-là servent à parler. Tu t'imagines un cornet, donc tu le prends dans une boule le plus petit, puis tu cries, tu déclames. Et là, ils ont fait l'inverse. Ce cornet-là va chercher du son ambiant, et on peut l'écouter. Donc, on peut porter l'oreille sur... Donc, on met le gros côté sur l'oreille ou le contraire? On met le gros côté sur l'oreille et là, on écoute ce qui passe. On écoute les bruits de la ville. Ces cônes-là sont distribués un peu partout dans le centre-ville, au Jardin Saint-Roch, à la place d'Université, Bibliothèque Gabriel-Leroy, à des arrêts d'autobus. Il y en a même dans un, il y a une espèce de skate park pas loin du parc de baseball, du parc Victoria. Donc, il y en a un qui est dans le coin du vieux parc. Donc il y en a une vingtaine. Donc, on ratisse assez large là dans le centre-ville. En basse ville. Et ça permet d'écouter la ville autrement. En fait, plutôt que de regarder la ville, souvent quand on regarde une ville, on entend ce qu'on voit. Mais là, on met son oreille dans ses cubes, dans ses cônes-là, et là, on entend des bruits qu'on n'entend pas habituellement. Donc, on entend, par exemple, la chute dans le parc Saint-Roch. On entend la chute, mais on entend aussi les bruits qui sont ambiants. On peut entendre des si on va là sur l'heure du dîner, puis que c'est un beau midi de septembre, ben il y a du monde qui sont en train de manger. On entend des bruits de jeunes qui sont sur leur planche à roulettes puis qui font des clic-clac-clac dans les marches. On entend ça, mais d'une façon un peu particulière. On n'est pas dans du bruit réel. C'est du bruit qui est un peu transformé à cause du cône. Ben oui, puis qui est amplifié aussi, probablement. Qui est amplifié. Là. Amplifié, mais tout ça est très mécanique. Il n'y a pas d'amplificateur, il n'y a pas de système. C'est la forme. C'est le goulot d'étranglement, je dirais, du cornet qui fait que ce bruit-là est amplifié. Ben, on pourrait demander à notre ami Jacques, s'il veut, on peut nous en faire jouer un petit bout. Ça se passe sur la rue de la Couronne, ce qu'on va entendre. Alors, c'est un peu subtil, hein? Oui, mais on entendit, en fait, l'autobus passer, mais au début, on aurait dit une espèce de son de voyage interstellaire ou quelque chose de même. Là, c'était effectivement... Il y a un autobus qui vient de partir, un autobus qui vient de passer. Donc, c'est un exemple. Évidemment, c'est pas tout à fait l'expérience qu'on va vivre, parce qu'il faut comprendre que Sabin Hudon a mis son micro dans le récepteur. Donc, ça vient un peu transformer. Mais ce qu'on entend, nous, avec notre oreille en direct, c'est pas tout à fait ce qu'on a entendu, mais c'est quand même une idée. Donc, c'est un beau parcours qu'on peut faire. Il y a même une carte qu'on peut se procurer sur le site Internet d'Avatar et qui nous présente tous les lieux où ces haut-parleurs-là sont déplacés, sont disposés. Il peut y en avoir trois. Ah, c'est ça, parce que là, ce que je vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a huit lieux. Donc, plusieurs haut-parleurs. Je prends l'exemple du parc Saint-Roch, qui est juste en... pas du parc Saint-Roch, mais de la place du parvis de l'église Saint-Roch. Ben, il y en a trois disposés. Il y en a trois cornets comme ça qui sont distribués et qui, selon l'endroit où ils sont installés, ben, ils vont produire des sons différents. Par exemple, il y avait un mariage samedi dernier, ben là, ça c'était le bruit des gens qui sortaient de l'église et tout ça. Donc, c'est une belle expérience à vivre. Oui. Écoute, c'est parce que je vois le dépliant, Jean-Pierre, le cornet, est-ce que c'est en lien avec la forme, les sept formes qu'il y a au-dessus de Méduse? C'est pas bête. Oui, je pense que... Ben, j'ai pas posé la question, mais tu me... Parce que je viens de le voir, puis là, j'ai visualisé Méduse. Effectivement, mais les cornets qui sont disposés sur Méduse, c'est des virevents. Oui, c'est ça, ils tournent. Donc, ils tournent, ils sont déplacés en fonction du vent. Ceux-ci sont très fixes, il n'y a pas moyen de partir avec, ils sont bien installés. C'est de beaux objets aussi, c'est ce qui est aussi une marque de commerce de Béchard Hudon. Donc, on peut faire ce circuit-là jusqu'au 22 septembre. C'est dans le centre. À toute heure du jour et de la nuit. Et voilà, ben oui, c'est pas ouvert, c'est pas fermé. Ben, la nuit, idéalement, ça doit être des sons moins évidents à entendre, mais quand même. Les bruits de la ville sont là tout le temps, mais c'est une belle façon de découvrir la ville. C'est un autre parcours un peu sonore qu'on peut faire dans la ville. En terminant, Jean-Pierre, tu voulais nous parler d'un événement rapidement. Mon temps court. C'est le 20e d'Avatar. Il y a un gros événement. Il y a une espèce de gros happening qui va avoir lieu samedi le 21 septembre. Dans le complexe Méduse et qui va regrouper tout un paquet d'artistes audio, les champions de l'art audio du Québec, là, je pense. Puis là, ils ont sorti des boulamites, là, Pierre-André Arcan, Sabin Hudon, évidemment, Frédéric Laliberté, Jérôme Joie, un Français qui va être là, Diane Landry, Louis Ouellet. Écoute, c'est plein de monde qui vont être là et qui vont créer une œuvre audio en 3 jours, qui vont présenter par la suite le samedi. Individuellement? J'ai aucune tous idée ensemble? Comment ça va finir. Okay, on verra. OK, on verra. Ça va être un happening. Ça va commencer à 17h, ça risque de se produire toute la soirée. Et donc, et ça va être aussi l'occasion à ce moment-là de publier le catalogue, le livre, la publication électronique 40 000, je ne sais pas pourquoi, et qui va présenter des œuvres audio, des œuvres électroniques de plusieurs artistes, dont moi, j'ai eu l'occasion de j'ai une petite œuvre. Tu t'es commis? Je me suis commis, comme plein d'autres. Il y a une cinquantaine de personnes qui se sont commis là-dedans. Donc, un bel événement qui va avoir lieu le 21 septembre au Complexe Méduse. Et voilà, ben Jean-Pierre Gay, merci beaucoup. Ben voilà, merci. On aura probablement l'occasion de se reparler au niveau de l'aérospatiale. Tu pourras me passer des commandes. Voilà, on s'en va en pause, on écoute Sub Aquarius Aerobics sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de l'album Beat Scene Routine de Deef, une suggestion de Simon Roy. Je répète d'ailleurs que vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement des pièces de l'émission également. L'émission est disponible en balado-diffusion. Il y a des communiqués sur le monde des arts visuels. Les liens aussi pour la revue de presse de Raymond Poirier sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également nous laisser des commentaires si l'envie vous en prend. En dernière partie d'émission, j'accueille Paryse Martin. Bonjour. Bonjour. Vous présentez Histoire lacrymogène à l'œil de poisson jusqu'au 6 octobre. Le titre est intriguant, je trouve. Histoire lacrymogène. Est-ce que c'est en lien avec l'actualité relativement récente, le titre? Non. Ben, je dis non. Oui, parce que c'est toujours en lien, mais non. Je travaillais sur la narration, sur les contes. Dans tous les contes, il y a toujours une espèce de dualité. On peut en rire, on peut en pleurer, on peut avoir peur, on peut faire peur. Donc, c'est cette espèce d'ouverture-là de l'histoire lacrymogène pour rire et pleurer à la fois. OK, c'est bon, je vois le lien. Mais pas maintenant, mais on se questionne toujours un peu. On a nos interprétations, on n'en est pas toujours nécessairement certain. Pour cette exposition-là, l'œil de poisson vous a donné carte blanche. Ça doit être assez stimulant, hein? On fait ce qu'on veut? Avec ce qu'il y a, là. Oui, c'est sûr et certain que c'est un honneur, hein, en partant, d'avoir une invitation comme ça. C'est vraiment une marque de confiance de mon milieu, puis je suis vraiment, vraiment contente. Puis, en même temps, on se fait plaisir. On sait que là, on se fait plaisir. Donc, moi, j'avais la possibilité d'exposer dans les trois lieux de l'œil de poisson, dans le corridor, dans la petite galerie, dans la grande, mais j'ai préféré cohabiter parce que j'aime j'aime partager, j'aime travailler avec les autres. Puis j'ai choisi des personnes assez spécifiques dans un rapport particulier de génération. Ah ben oui, c'est ça que je me demandais parce que je voyais il y a Steven Girard et Julie Gagnon qui présentent Lanterne Lixivia dans l'entrée vidéo. Ce sont des étudiants au baccalauréat en arts visuels, donc quand même hein. Très jeunes, très engagés, très dynamiques. J'ai trouvé ces deux jeunes là, je trouvais que c'est la relève. Quand je les ai vus agir, travailler, s'engager vraiment profondément pendant tout le temps que j'étais à l'école, parce que j'enseigne à l'université à ces jeunes-là, je me suis dit pourquoi pas leur donner un énorme défi. Mais ils ont quand même une maturité, je trouve, dans leur travail pour des étudiants au baccalauréat. Justement. C'est cet engagement-là dans leur pratique puis dans leur réflexion qui a fait que je me suis intéressée à eux puis que je voulais qu'ils cohabitent avec nous. Avec José Landry-Sirois qui vous avait invité à Michel Guimond, là, vous lui rendez l'invitation. Oui, je trouvais ça important parce que la galerie Michel Guimond, c'est une expérience particulière. Et la galerie de l'œil de poisson, c'est une autre forme d'expérience pour un créateur. La galerie et le centre d'artistes, c'est très vraiment différent. C'est deux mondes, mais reste que nous, on travaille avec la même intégrité, avec le même engagement, mais c'est pas pareil. Fait que je trouvais que ce serait le fun de voir José dans ce contexte-là. Comme moi aussi, dans ce contexte-là, à toutes les fois que je travaille avec les centres d'artistes, on sait qu'on est libre d'expérimenter, d'aller juste un petit peu trop loin, d'essayer des choses qu'on n'est pas sûr. On reste dans le doute jusqu'à la fin. De trouver ses propres paramètres, ses propres repères. Hein? Oui, puis il n'y a pas personne qui vient nous déranger, qu'on travaille, puis après ça, on offre le travail, puis on peut se permettre d'avoir des écarts, de développer des concepts nouveaux dans notre travail, puis ça fonctionne bien, là. C'est vraiment la place pour le faire. Puis en plus, on est avec une série de spécialistes, avec des gens qui nous supportent magnifiquement. Donc, je trouvais que José et Steven et Julie, c'était avec moi l'équipe. Et pourquoi, vous avez dit tout à l'heure, vous vouliez avoir différentes générations. Qu'est-ce qui vous importait dans ça? Bien, pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je me verrais pas avoir une pratique artistique sans qu'il y ait personne d'autre qui suive. Comme moi, je suis en filiation avec différents artistes. Bon, René Taillefer, qui a 70 ans, Jean-Pierre Morin, qui est un petit peu plus jeune. On est toutes liées par nos pratiques, puis on est... Bon, moi puis Morin, on n'est pas nécessairement de deux générations, mais M. Taillefer, oui. Fait que tout ce passage-là de la foi, de la pratique en art est important. Et je pense qu'il faut que ça se fasse par les plus vieux vers les plus jeunes et des plus jeunes vers les plus vieux. C'est ça, donc on se rappelle ce qu'il y a eu, mais on voit aussi ce qui est à venir. Tout à fait, parce que les jeunes nous nourrissent tout autant que les gens plus âgés. Là. Moi, ils me réveillent, mes deux jeunes. Oui, j'imagine que ça doit être cet aspect-là qui est plaisant aussi de l'enseignement, là, d'être constamment en contact justement avec justement, ça. Justement, oui. Puis pour moi, c'est un... notre milieu, il faut qu'il se développe puis il faut qu'il demeure sain et en santé. Et c'est une marque de santé d'avoir plusieurs générations qui œuvrent tout le temps, puis qu'il y en a qui rentrent, puis qui ont la foi, puis qui sont engagés. Puis là, à ce moment-là, c'est sain, c'est nourri. Puis moi, je peux continuer aussi. Oui, je comprends. Et parlant de vous, justement, j'aimerais peut-être revenir à votre installation. Vous avez créé des personnages. En fait, dans le communiqué, on dit les bons et les méchants des contes et des histoires sont un peu mélangés. Qu'est-ce qui vous inspire, justement? Comment vous avez fonctionné? Comment vous avez pensé ces personnages-là? Est-ce que c'est selon des réflexions, selon une volonté vraiment de les construire de telle manière? Je dirais que c'est le hasard et la nécessité qui sont mélangés dans ça. Moi, j'ai une passion pour les systèmes. OK. En partant, j'ai une formation assez formaliste, puis j'ai une dextérité avec les matériaux. Et j'ai 30 ans de pratique. À partir de là, ça, c'est la base. J'établis des systèmes, je mets des objets en lien pour faire, donner à voir, donner des expériences nouvelles, me questionner sur différents aspects de notre monde. Alors, dans ce cas-ci, je travaille autant avec la notion d'univers, de science, planète, Ben ouais. Tu sais, des circuits qui tournent, c'est tout en rond, là. Mm-hmm. Les chevaux, le carrousel. J'ai comme superposé plusieurs dimensions dans mon système. C'est-à-dire qu'il y a des micro-systèmes dans le grand système, dans le système du système du système. Et là, je me suis amusée à mettre en plus des personnages qui portent des histoires, qui sont des systèmes en soi. Puis là, tout le monde joue ensemble. On est dans des jeux d'échelle, vraiment. Là, vraiment. Ça, j'avais remarqué ça, justement. Oui. Vous parlez des planètes avec les dessins, donc qui sont oui. vraiment très, très fins. Le travail aussi avec... Il y en a une qui est en carton, le cheval aussi qui est en carton. Donc, tout un travail de minutie. Puis en même temps, il y a le gros ours, il y a les chevaux de carrousel. Donc, des échelles d'intervention, mais des échelles aussi physiques entre les objets. Aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est extrêmement ludique d'une certaine façon. Mais il y en a pour tous les goûts. Ben oui, vraiment, parce qu'il y a toutes sortes de matériaux aussi, là, toutes sortes d'interventions dans l'exposition. Oui. Il y a de la cire, il y a du carton, il y a du plâtre. De la peluche avec l'ours. De la peluche, du tissu. Il y a une souris cachée dans l'habit de l'ours. J'ai travaillé à la fois pour les enfants, pour leurs parents, pour mes confrères spécialistes. J'ai essayé d'inclure le plus possible d'objets dans mon système. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est, je parlais de divers degrés d'intervention. Il y a des œuvres, on voit, c'est vous qui les avez faites comme de A à Z. Il y a d'autres objets, j'imagine, qui sont plus de l'ordre du ready-made, oui, comme les chevaux de carrousel, oui. justement. Donc, c'est intéressant, cette dimension-là aussi. Là, il y a pas d'unité. Je veux pas, donner pas l'impression que c'est complètement éclaté. La là, il y a un sens, mais il y a pas d'unité esthétique. Là, il y a plusieurs directions. Mm. Ça vous plaisait, j'imagine, ça ben, aussi. J'ai toujours travaillé avec la pensée baroque, avec le cercle en plus. Toujours. Et je me permets de faire ces choses-là. J'ai pas à suivre une idéologie dans mon travail, j'ai à développer les arts visuels et je pense que la cohabitation de différentes matières, de différentes formes, puis on travaille fort là pour faire ça, là. Ça se fait pas toute seule, là. Parce que plus tu complexifies tes données, plus c'est difficile de les faire agir ensemble. Ben ouais. Mais c'est fascinant. Et dans le fond, tu arrives dans l'exposition, puis en partant des jeunes, après ça, tu t'en vas voir José, puis tu rentres dans mon exposition. Il y a énormément de choses à voir, de matière à se questionner qu'est-ce que c'est, comment c'est fait, puis en plus, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, vous parlez de progression justement vers votre travail. Il y a quelque chose que j'ai observé dans les trois propositions qui est une idée comme d'accumulation. Mm-hmm. L'accumulation des boîtes, des projections. José Landry-Sirois, bon, les gommes, les papiers, les allumettes, les cheveux, tout ça. Vous, une accumulation de formes, de couleurs, de motifs. Mm-hmm. C'est quand même une constante assez incroyable. On peut dire qu'on est dans l'hétérogène. Oui. Et la complexité, ça c'est sûr et certain, parce que les trois on est dans cet univers-là. Où est-ce que je pense que on n'est pas nécessairement très obéissant. Les deux jeunes, pas du tout. Puis moi je les aime, je les trouve délicieux dans ce sens-là. José, non plus. Et moi, malheureusement, je n'ai pas appris à obéir. Vous êtes dans l'ombre pied de nez. Et je suis contente. C'est pas tant dans la rébellion que dans le pied de nez à l'ordre des choses. Je pense qu'il faut pas que... Tu sais, dans le fond, les arts visuels, il n'y a personne qui nous demande de faire ça. On fait ça parce qu'on y croit, parce que... on le fait d'une manière autonome. Donc, j'ai pas besoin d'obéir à personne. Il n'y a personne qui me téléphone le matin, qui me le demande, puis qui me paye pour le faire en soi. Je le fais parce que j'ai la foi dans les êtres et dans ce qu'on génère au niveau intellectuel, dans notre culture. Donc, j'ai pas à obéir à une ligne. Il faut que je développe des choses nouvelles. Il faut que je me perde. Il faut que je me fasse peur un peu. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans mon expo, d'ailleurs. Mais je pense que ça a quand même très bien fonctionné, Farise Martin. Et c'est déjà la fin de l'entrevue. L'émission tire à sa fin, malheureusement. Farise Martin, merci beaucoup. Merci. Puis, oubliez pas d'amener vos enfants à l'œil de poisson. Ben oui, hein, parce c'est que c'est un expo. Vraiment, j'ai là. Travaillé pour eux. Ah ouais, donc oui. Tous les âges. Les écoles, gênez-vous pas, allez voir. Voilà, donc Histoire lacrymogène de Farise Martin s'est présentée avec Des brises d'impression de José Landry-Sirois dans la petite galerie et Lanterne Lixivia de Steven Gérard et Julie Gagnon, donc dans l'entrée vidéo. C'est jusqu'au 6 octobre. On fait une courte pause, on écoute une pièce au titre, ma foi, difficile à prononcer, je m'essaye, Sprudel Kutchen in Planetarium sur les ondes de CKRL. Thank you. Voilà, l'émission L'Aérospatiale se termine dans quelques instants. Donc, avant de terminer, bien entendu, c'est le calendrier cette semaine. Vernissage jeudi à 17h à la Galerie des Arts Visuels. C'est l'exposition de Jacques Sanson, Vecteur et embranchement. On aura d'ailleurs l'occasion d'en discuter avec lui au cours de l'émission de la semaine prochaine. J'ai dit en cours d'émission, c'est la dernière semaine pour voir l'exposition Pellant, le grand atelier. Et également, samedi de 11h à 18h, un marché organisé par Olivier Bérard-Vidal, celui-là même qui nous offre le Salon Nouveau Genre et divers petits marchés comme ça d'artisans tout au long de l'année. Dans ce cas-ci, c'est fait main, donc un marché de créateurs au centre Materia. Donc, comme je le disais, samedi de 11h à 18h avec des articles de Article 721, Fredon, Baltracon, L'Atelier, M&I, Mimi Bou, OBV, bien entendu, Pierre, Émilie Proux, Why Not Coconut, Les Tontons Racleurs, Marie-André Roberge, Louane Bourdeau, et j'en passe. Donc, c'est à ne pas manquer si vous avez envie d'encourager la relève. Sur ce, je remercie Jacques Gignac pour son travail de mise en onde et je vous laisse avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique.